Double album, 37 ans. Et v'là les certifications. Vous allez recevoir une notification. Bientôt de la frappe sur l'application. J'ai trop les dents. Toute l'année. Je suis sur la lune. Je fais que planer. Sorti du béton. Je m'arrête jamais. Et mon Audi. Je l'ai reprogrammé. J'ai trop les dents. Toute l'année. Je suis sur la lune. Je fais que planer. Sorti du béton. Je m'arrête jamais. Et mon Audi. Je l'ai reprogrammé. Je veux pas revenir en arrière. Moi j'ai trop ramé. J'ai arrêté les conneries. J'ai vu trop de gens se faire condamner. Même les haters sont de la team. Parce qu'au final ils écoutent. Et les gens qui font semblant. Au final ils me dégoûtent. Moi c'est d'or et de platine. Et rien sans rien. Alors écoute. Le charbon c'est moi. Je l'ai fait. Alors je paye le prix qui en coûte. Quand tu fais pas le con. J'ai qu'une parole de moi. Faut pas que tu doutes. Le but c'est de rendre heureuse maman. Ouais le reste rien à foutre. Je me vide. Là j'étouffe. Elle s'arrête. Elle veut la taf. Elle veut que je la taf. Moi je peux pas. J'ai du taf. Ouais ouais ouais. Faut des billets. Faut les plier. Faut tout trier. M'en fout de briller. J'ai beau crier. J'ai beau vriller. J'ai beau me fier. C'est toujours pareil. Je veux pas de nouveaux potes. Laissez-moi tranquille. Tout seul je décapote. Je conduis, je suis habile. J'ai trop les dents. Toute l'année. Je suis sur la lune. Je fais que planer. Sorti du béton. Je m'arrête jamais. Et mon Audi. Je l'ai reprogrammé. J'ai trop les dents. Toute l'année. Je suis sur la lune. Je fais que planer. Sorti du béton. Je m'arrête jamais. Et mon Audi. Je l'ai reprogrammé. Moi j'ai des gros soucis. Moi je fais des gros sous-sous. Moi toujours en dehors. Platine, demande à Zoom Zoom. Ça arrive en smart, je crois que c'est Baby Boy. Ici ça veut le compte, à Paris Hilton. Lui on dit que c'est une den, mais fais gaffe il conne. Ne l'oublie jamais si quand t'as rien ton pote il donne. Ton pote il donne, ton pote il donne. Ne l'oublie jamais si quand t'as rien ton pote il donne. Ton pote il donne, ton pote il donne. Ne l'oublie jamais si quand t'as rien ton pote il donne. Moi j'ai tout donné, moi j'ai charbonné. Moi on m'a fait des actions, moi j'ai pardonné. Double album 37 ans. Et v'là les certifications. Vous allez recevoir une notification. Bientôt la frappe sur l'application. Ok, il est 17h, je pense pas le secteur. Certains gueules makers, je croise même l'inspecteur. Je suis dans V-City, je lève la PCJ. Je te fais le signe comme un Jim Harris Sterling à Manchester City. Ouais. Tu veux de la BIA, tu veux de l'alcool IA. Moi j'ai tout fait NIA, ce soir j'ai trop PIA. Je suis dans le 63E, ils m'ont fait du mal. T'inquiète c'est pas grave, je leur fais plus chanter à eux. Paraître dans le pochon, bouteille remplie de potions. Je me pique au sang. Tant, tant, tant, tant, tant, tant. Je fais que du bon. Hein, j'ai les dents, nique les cons. Qui joue les kings, c'est pour ma team. C'est pour la tienne, c'est pas pour la thune. Gros vécu comme un fâché. Gros surveille du marché dans le rap. J'ai appris tout seul à marcher. Je me suis pas mis dans la machine. Y'a que les vrais qui m'ont pas lâché. Dans ma chambre, je croyais pas la chance. Un peu plus tard dans le game, je les ai calâchés. Tu me verras dans la Lambo. Avec des jambes bien. Des pieds sur le manteau. C'est que des tempins. Il est 17h. Je passe par le secteur. Certains gueule maker, je croise même l'inspecteur. J'suis dans V-City, je lève la PCJ. Je te fais le signe comme un Jim Harris Sterling à Manchester City. Ouais, je vous nique la CD, j'suis toujours assidu. La vie assez dure, big up la cédule. Ouais, c'est pour les bons ou beaux maîtres qui se font des rideaux pour mettre. T'as pas pu me reconnaître, j'suis passé comme une comète. J'pensais bien te connaître, maintenant on est plus collègues. J'ai des souvenirs quand on faisait le chemin ensemble pour aller au collège. Carambolage, j'ai plus trop l'âge. Seul dans la loge, seul dans la loge. Ouais, ouais, j'suis pas pididi. J'tape minuit midi. Dans la ville, j'fais des tours avec la sécurité. Béton, stut, j'suis en but. Crochet, but, fils de pute. Sur YouTube, j'fais des buts grâce à mon public. Soucis, sous barbe, j'lui fais des gâtés, elle me dit ah, tu piques. Il est 17h, j'passe par le secteur. Certains gueule makers, j'croise même l'inspecteur. J'suis dans V-City, j'lève la PCJ. J'te fais le signe comme un Jim Harris Sterling à Manchester City. J'sais que j'suis pas Tupac,